enfant qui est bestial, se fout ton jus les parabales. Je sais que mes pensées peuvent avoir de l'influence, juste en même qu'elles en ont quand elles sont régies par l'urgence. C'est dur à gérer en toute objectivité quand au départ l'équilibre de la balance est déjà faussé. De toute façon, j'ai pas de choix. Ça aurait pu être pire aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est plus facile à dire. Vu que tout ça s'est converti en chose nettement plus positive. Mais la rancune n'a pas cessé. Elle régénère son emprise. Se fait même plus mature. À force, je crois que c'est dans ma nature. Et autre, ouvre les choses. Il est sûr que n'ayant pas pour but de faire. Mais mon rond est fait toujours avec la même justesse. Je vais juste, tu crois que tu vas me la faire à moi, mais je vais juste. Et je suis pas prêt à lâcher la ferme. Je vais juste, tu crois que tu vas me la faire à moi, mais je vais juste. De l'influence, mes pensées en ont toujours eu, c'est vrai. J'ai toujours fait en sorte d'en mesurer les causes sans me leurrer, c'est dur à gérer. Mais je suis pas prêt de laisser tomber. Tu comme ça, ça fait bidon. Vous pouvez vous bidonner, ouais, marrez-vous. Jusqu'au jour où vous prendrez conscience que nos petits frères n'ont plus vraiment la même adolescence. Comparé à nous, le fossé est déjà bien large. Dans certains coins, à 15 ans, on est déjà bien blasé. Pendant ce temps, des petits faisaient péter des bombes dans nos océans. Mais gare à la bombe, c'est celle qui est présente. Et prêt, fais-toi entendre, élève la voix. Donne-toi le luxe d'en avoir le choix. Je vais juste, tu crois que tu vas me la faire à moi, mais je vais juste. Et je vais pas lâcher la ferme, je vais juste. Tu crois que tu vas me la faire à moi, mais je vais juste. J'ai besoin de ce souffle, capable d'écarter les murs. Et quand je suis dans la douleur, qui continue et m'assure. Et même si c'est dans ma tête, c'est mon élan, mon allure. Je suis comme toi, il me faut mon quota. Bref, qui m'assure, c'est pour ça que le hip-hop est pour moi comme un poumon. C'est le ciment de mes convictions, le truc qui me permet de faire fond. Que je pas tout ça, car ça t'appartient à plus forte raison. Que c'est d'autres qui respirent le bol d'air, ça serait trop con alors. Sit back, relax, respire au max. Il faut de la place, de la basse, pour avoir envie que ça se passe. Et là, on sait plus le faire comme avant, ça saoule, ça lasse. On s'étouffe nous-mêmes, c'est notre délire qu'on casse. Alors respire, sache prendre dire que tu sens le pire. Et poumonne-toi afin de pouvoir gérer l'avenir. Que personne se pointe à ta place pour pouvoir choisir. À l'avenir, change de mire et prends le temps de vivre. Donc respire, et si ça te suffit pas, respire. Ou bien le pire est à venir, bébé, augmente les dB. Yeah, yeah, yeah, tout le monde dans la place se fait. Yeah, yeah, yeah. C'est nécessaire, c'est clair que ça sert, ouais. Rien de plus chaud, un ulcère. À ton agent, je t'arrache, frère. Ce soir, c'est hip-hop, déco à gogo. Ça fait sexe de base en haut, des cris de boulard. Porte tes mains, ça roule, à moins que tu flaires, frère. Lâche le frein des foules, toi et puis désire ton cas, ça sert. Aussi à sale son, long garçon, mort à la son. De toute façon, toi-même, tu sais que ce que je fais, ça a le son. Tout le monde la main en l'air, et si t'es derrière, avec la maison mère. Sur la droite, sur la gauche, devant et jusqu'au fond, derrière. Tout le monde dans la place se fait. Yeah, yeah, yeah. Pour 9-8, je t'explique pourquoi. Hardcore et le beat, ya. Tu sais où j'habite, là-haut. La grisaille, des murs à la longue fissure. Les armures, les plus dures. Mes yeux ont vu le pire et je vous jure qu'il est indécent de crier que trop baigne. Alors qu'autour de nous, y'a tant de gens qui saignent. Aïe, tu piges ou pas, tu comprends pourquoi. Moi, je lâche pas l'affaire, c'est dans les gènes. Hey, yo, 1-2, voilà des mecs pleins de style. Hardcore sur le beat, comme dans la vie. Mais qu'il y a rien de pire qu'on te force et à terre. On veut pas, c'est un coup de mic sur le beat, ya. Clandé, clando, clando du mic, blindé. Le candé, indépendant, indésirable, indé. Rare trois, ramener le bois. Faire des trois, chaque tête qu'on croise et qu'on voit. Coup de chromie, c'est promis, niquer de rester hardcore. D'abord de pop par le nord, de tribord à vapeur. Voilà le numéro un, squal, MC jusqu'à la moelle. Moelle, genou qui ont le rime te fout à poil. Roulant, flow, coulant, avec chaîne coulant. Réalisateur, joueur, la SP, tout lent. Tourage de viard, gaga, ton flex, baba. Pose pour NTM avec MASS. Ça plaque quoi, le style est crypté, c'est pas décodé. Y'a pas de truc dans le codé. Échappement, tous fondés, oh. Vrai hip hop donc fondé. Maintenant ton père fondé. Mais pas de chipi ici, pas de chichi si tu dérapes pour te chier dessus. Trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont dédictés pour un. Mais c'est comme ça, connecto, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'engraissent. Et puis ça bible de nos rêves de voir en dessous. Mais ne t'approche pas, Hollande de bande te fout des coups. De peupon, si si tu respectes pas les règles. Mec du béton, pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mec tout cela je les stoppe à base de pop, pop, pop, pop. Sinister, fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mec pour le hip-hop je développe la Saint-Saint-Denis. C'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré ça s'en connaît au bébé. C'est de la bombe bébé. Sinister, bébé. C'est de la bombe bébé. C'est de la bombe bébé. C'est de la bombe bébé. Oh, ça vient de Sunny. Mais non, ici c'est Sunny, Sunny, fond, fond du pêche. Sunny, Sunny, fond, fond du pêche. Dans la même moule, les aimes, la crème. Les renforts, c'est pour contrer les supports des survivants du passé. C'est pas arrivé près de chez toi. Ouais, presque sous ton nez. C'est ce procédé étonné. Pas le moment d'abandonner. Pour tout donner, avant de changer les données. Il te sent de quoi de grand-père. Le bloc va détonner. C'est arrivé près de chez toi. Ouais, presque sous ton nez. C'est ce procédé étonné. Pas le moment d'abandonner. Pour tout donner, avant de changer les données. Il te sent de quoi de grand-père. Grisé à tempéries, Babylone m'étreint. J'ai des péris pour mère, demandez où est mon sein. J'suis pas le seul dans ce cas à vivre en astreinte. On est du temps d'après de chez moi à vouloir porter plainte. La populo demande pas l'opulence sans souffrance. Juste représenter, faire acte de présence. Sans papier, sans emploi, on compte plus les laisser pour tout. Pour couronner le tout, dans les sondages, je l'ai fait pour qu'ils fassent leur figure sur la glace pendant qu'elle est encore dure. L'honneur et les belles les auront à l'usure. Coupe trilon, ça ne s'efface pas, c'est sûr et non. Y'a trop de NTM. Sur les murs, bloc par bloc, les cités des blocs. Le lascar moyen vie de tronc, chasse le gaz, vidule les blocs. C'est de plus en plus tôt qu'il sort son dard. Place aux jeunes avatars, c'est qu'il y a trop de bâtards. Sous les étiquettes et les codes barres. Survie au plus, c'est un système barbare. On ne va pas colmater la fracture sociale de plate. Mais en plus que ça saute, sans ta benz, benz, benz, gueule. Quand tu boignes, ton bon passe avant ding, ding, ding. Laisse pas zoom, zoom, zoom, dans ta benz, benz, benz, gueule. Quand tu boignes, ton bon passe avant ding, ding, ding. Laisse pas zoom, zoom, zoom, dans ta benz, benz, benz, gueule. Quand tu boignes, ton bon passe avant ding, ding, ding. Laisse pas zoom, zoom, zoom, dans ta benz, benz, benz, gueule. Quand tu boignes, ton bon passe avant ding, ding, ding. Explique-leur. Ça se passe à l'arrière du Merco Benz, Benz, Benz. Ouais, du côté de Sunny, bébé. Je garantis qu'il y a que des dingues, dingues, dingues. Et ma mère, je suis la flèche que ton entrejambe attire à mort de Lufia. On vivra en nos troupes, toi et moi. Et ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille. Je veux du freestyle. Que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Mon bébé monte sur mon scène, c'est mes fonds. Je la ferai façon, je te cueille. Putain, y'a que ça qui me rend joie. À ton contact, je deviens l'équipe. C'est comme un trou intemporel. Chaque jour un peu plus. J'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer. Trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse. Mais laisse pas traîner ton fils. C'est de chiller, ouais. Rester tranquille au sein des miens, me laisser aller à déballer. Les conneries parlent juste pour parler. refaire le monde. Avec notre vision décalée, on est des faux, bloqués dans des cages d'escalier, pris en otage, je parle nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées dans les yeux fatigués, les gosses du quartier. Passe, passe le mic, je développe des idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, mais déterminé à ne jamais vraiment lâcher de l'affaire. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis pas là pour prendre des coups, rien même pour me taire. Si le FN, sa femme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, gêné, c'est un lyrics qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé. Non, non, on est encore là, frère, toutes les sons que tout le monde écorne là. Justice, surtout si tu pèses pas. Tant pis, on vit avec ça. Puis de toute façon, on s'est jamais trop fait d'illusions. La liberté d'expression, laissez-moi gorer. Ils subissent tous des pressions, non, c'est pas des conneries. La grande bouffonnerie continue, mais je serai là. C'est pour ça qu'à chaque fois je ferai là. Différence refrain là, tu sais, je défrais là. Chronique, à part plaisir, putain, mais simplement parce que je suis chronique. La vie est sale et met en panique. Non, non. car y'a beaucoup plus de ouf que d'odeur de peau dans les quartiers de sous qui graffent les odeurs de pas. Chaque ghetto youf, chaque good boy qui tombe dans l'ombre.